Science Chrono, Antoine Beauchamp. Au XVIIIe siècle, les personnes sourdes et muettes étaient encore largement marginalisées dans les sociétés aussi bien rurales qu'urbaines. Dépourvues d'ouïe, on pensait qu'elles ne pouvaient pas acquérir de savoir. Il a fallu qu'un certain Charles-Michel de Lépée fasse l'observation en partie romancée de jumelles sourdes muettes communiquant par gestes pour que l'idée d'une pédagogie adaptée prenne toute son ampleur. Science Chrono revient sur cette découverte de la langue des signes et sur la méthode inventée pour pouvoir communiquer avec les personnes sourdes en joignant le geste et la parole. Bonjour Flora Hamann. Bonjour. Vous êtes chercheuse postdoctorale et autrice du livre « Sourd et muet, entre savoir et fiction au tournant des Lumières » aux éditions Classiques Garnier. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter cette histoire à la croisée de la linguistique, de l'histoire de l'éducation et de la philosophie. On débute cette émission sans plus attendre avec un extrait du livre de l'abbé de Lépée intitulé « Institution des sourds et muets par la voie des signes méthodiques » paru en 1776. Il s'agit de la lettre 4 de l'instituteur des sourds et muets à monsieur l'abbé Trois petits points, son intime ami en 1774. La lecture de ce texte vous est faite par Laurent Blampin. Plaise à Dieu que ces gens de routine, qui ne connaissent qu'une porte, un chemin et un escalier pour arriver à l'esprit des autres, ne fassent jamais naufrage chez les Iroquois. Devenus à l'instant sourds et muets, puisqu'ils ne pourraient ni entendre ce qu'on leur dirait, ni se faire entendre eux-mêmes au milieu d'un peuple pareillement sourd et muet à leur égard, qui ne pourrait ni leur parler intelligiblement, ni les entendre, comment s'y prendraient-ils, eux qui ne connaissent d'autre canal de communication de nos idées que la langue et les oreilles? Ils seraient certainement à plaindre. Mais que dis-je? La nécessité rend éloquent. Bientôt, ils trouveraient des signes naturels pour exprimer leurs besoins et toucher de compassion les habitants du pays au rivage duquel ils seraient abordés. Pourquoi donc ne veulent-ils pas qu'aussi sensibles au malheur d'autrui qu'ils le seraient eux-mêmes à leur propre infortune, nous ayons trouvé un langage de signes pour nous faire entendre des sourds et muets? Nos hommes débarqués apprendraient par expérience que ce langage est plus expressif en lui-même que celui de la parole. Puisqu'ils ne pourraient se faire entendre de leurs hôtes, quand même ils sauraient le grec aussi bien que Démosthène ou le latin comme Cicéron, et qu'au contraire, deux ou trois gestes annonceraient tout d'un coup leurs besoins et leurs désirs. Nous apportons tous avec nous-mêmes, en venant au monde, les premiers principes de ce langage. Et l'histoire de tous les siècles ne nous fournit l'exemple d'aucun homme qui soit mort de faim, de soif ou de froid, faute d'avoir trouvé des signes pour exprimer ses besoins et sa misère. Voilà, Flora Hamann, c'est vous qui avez sélectionné ce texte. On en a parlé avant cette émission et je vous ai demandé de trouver un petit texte qui pourrait illustrer cette redécouverte de la langue des signes et puis cette mise en place d'une structure pédagogique pour les sourds au XVIIIe siècle. Rapidement, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte-là en particulier de l'abbé de Lépée ? J'ai choisi ce texte parce que je le trouvais assez idéal pour présenter qui était l'abbé de Lépée et quel était le contexte dans lequel il évoluait et aussi quelles étaient les sources à partir desquelles il travaillait. On entend bien dans ce texte que c'est un contemporain des encyclopédistes, hein, c'est leur exact contemporain, il naît la même année que Jean-Jacques Rousseau. Et on trouve dans ce texte la fameuse hypothèse chère aux philosophes des Lumières d'un langage gestuel originel qui aurait été donc premier, qui serait naturel, tiré de la nature. Donc c'est ce que montre la fin du texte avec la référence à l'enfance, hein, cette idée que les enfants, avant d'acquérir la parole, peuvent échanger des gestes avec leur entourage, et un langage qui serait aussi évident et universel. C'est ce que montre la référence alors aux Iroquois, en tout cas au peuple, au fait qu'on peut se faire comprendre un peu partout sur le globe d'hommes dont on ne partage pas la langue. Donc c'est un texte qui reprend, qui s'inscrit dans cette réflexion et qui reprend cette réflexion de la philosophie des Lumières qui est tout à fait centrale chez les Lumières, qui leur permet de proposer une version laïque de l'histoire des langues, de l'origine des langues. Et à ce titre, on pourrait croire lire un texte de Jean-Jacques Rousseau, par exemple. Ou de Diderot. Parce qu'il reprend, s'appuie sur les mêmes exemples canoniques, hein, les Iroquois, les nouveau-nés, l'idée de la pitié naturelle, qui est perceptible par le geste, etc. Mais vous aurez peut-être perçu que l'abbé de l'Épée, lui, s'inscrit dans cette histoire, donc à la fois, si on se place à l'échelle de l'individu, de l'acquisition du langage et aussi l'histoire de l'origine des langues, mais en se plaçant non pas du point de vue des entendants, mais du point de vue des sourds. Mmh. Les philosophes des Lumières défendaient la thèse d'un premier langage gestuel qui aurait précédé la parole et puis l'apparition des langues orales en s'appuyant sur le langage des sourds, en la prenant comme preuve anthropologique. Et l'abbé de l'Épée, lui, fait l'inverse. Il essaie de défendre sa méthode gestuelle, donc ces fameux signes méthodiques, en s'appuyant en fait sur donc les idées des philosophes des Lumières. Ce qu'il faut aussi faire, Flora Hamann, c'est rappeler la condition des personnes sourdes au moment de ce siècle des Lumières-là, des personnes qui sont quand même globalement marginalisées dans la société, qu'elles soient rurales ou urbaines. Qu'est-ce qui fait que à cette époque-là, les sourds n'ont pas accès à l'éducation? Alors, il y a peu de monde au siècle des Lumières qui a accès à l'éducation, mais quand même, pourquoi est-ce que on ne considère pas les sourds comme ayant la capacité d'apprendre et de mobiliser des concepts abstraits? Alors, à mon sens, ce qui fait vraiment obstacle au XVIIIe siècle, c'est vraiment la pensée chrétienne, en réalité. C'est surtout pour des raisons religieuses que les sourds sont supposés incapables d'être éduqués. C'est vrai que cette hypothèse que les sourds possèdent une langue, qu'il peut y avoir une langue gestuelle, une langue signée, et pas seulement des langues orales, elle entre quand même en contradiction avec un point fondamental de la doctrine chrétienne, qui est celui de la révélation. Le Dieu a donné le verbe, et puis la foi vient par l'écoute aussi, fides ex auditu. On peut déjà reconnaître à l'abbé de l'Épée le mérite, alors non pas d'avoir inventé la langue des signes, mais d'avoir brisé cette idée-là. Alors, c'était un janséniste, donc il connaissait très très bien les textes des pères de l'Église. Et alors, il a réussi à triturer la pensée de saint Augustin pour démontrer, alors on n'est pas très convaincu par la démonstration, mais on acquiesce parce que ça nous arrange bien, que en fait, Dieu a donné le verbe. Bon, en latin, verbe, c'est pas seulement, saint Augustin voulait pas seulement entendre par là la parole, mais le langage en général. Et que donc, oui, c'est compatible avec l'idée d'une langue signée. Mais en ça, l'Église s'inscrit aussi dans la tradition d'une philosophie antique platonicienne, aristotélicienne, où la parole précède toujours le raisonnement, et un raisonnement ne peut pas se constituer sans parole, ce qui expliquerait pourquoi les sourds finalement sont mis un peu au banc de la société. Oui, c'est vrai, c'est une idée aristotélicienne de la parole articulée comme privilège de l'homme, et cette idée que les langues parlées sont plus analytiques que des langages signés, que des langages par image. L'abbé de l'Épée n'est pas le seul, n'est pas le premier à vouloir inclure les personnes sourdes dans un système éducatif. Il a des prédécesseurs qui, eux aussi, ont tenté l'aventure. Alors, qui étaient-ils et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? C'est vrai. Alors, il y a eu plusieurs prédécesseurs que les historiens appellent des précepteurs occasionnels. Alors, le plus célèbre d'entre eux, c'est le fameux Jacob Rodrigue Perer, qui est alors l'exact contemporain de l'abbé de l'Épée. Il y aura une très grande querelle d'ailleurs qui opposera ces deux instituteurs. Et la méthode de Perer et d'autres précepteurs avant lui, c'était une méthode basée sur l'articulation artificielle. Donc on cherchait, on apprenait aux sourds, alors à l'aide d'un alphabet manuel et à l'aide d'un miroir, c'est un peu les prémices de l'orthophonie finalement, à d'une part articuler donc les mots de la langue française, à vocaliser, donc on leur montrait dans quelle position il fallait mettre ses organes, en fait pour prononcer un mot écrit qu'on leur montrait, et on leur apprenait en fait à associer d'une part le mot écrit et un objet. Et puis, dans un deuxième temps, on leur apprenait à articuler donc ces mots. Et l'abbé de l'Épée va s'opposer à ces méthodes d'articulation artificielle en faisant remarquer que parler, ce n'est pas la même chose qu'articuler. Mmh. que l'articulation, c'est quelque chose de très mécanique et qui, dit l'épée, ne demande que de l'usage. Finalement, ça demande seulement de s'exercer. Hein. Intellectuellement, c'est pas tellement, ni pour le précepteur, ni pour l'élève, c'est pas tellement exigeant. Et que parler, en revanche, c'est comprendre la logique de la langue, savoir utiliser ce qu'on appelle les règles du discours, comprendre que la langue a une grammaire, entrer dans son fonctionnement. Et ça, l'abbé de l'épée montre bien que l'articulation artificielle ne le permet pas et qu'on peut tout à fait apprendre à des sourds à articuler, à lire des pages entières, par exemple, de l'Évangile, ça ne veut pas dire qu'ils comprennent. L'abbé de l'Épée, donc, c'est un prêtre janséniste qui est né au début du XVIIIe siècle. Comment est-ce qu'il en vient à s'intéresser à la condition des sourds? Il y a une histoire en partie romancée qui est célèbre. Je vous laisse la raconter et peut-être l'amender, la nuancer. Oui, alors, ce que l'abbé de l'Épée raconte lui-même hein, dans ses textes et qui fait partie de la légende de l'abbé de l'Épée, c'est qu'il aurait rencontré, un peu par accident, deux petites filles jumelles qui étaient sourdes de naissance, qui avaient déjà un peu été éduquées par un autre prêtre, le père Vanin, qui avait reçu une éducation par l'estampe, par l'image. Mais leur éducation était restée imparfaite et elle n'était pas entrée surtout dans la compréhension des sacrements. Enfin, elles avaient pas d'éducation religieuse. Ça aurait fait beaucoup de peine à l'abbé de l'Épée qui était un janséniste et qui, comme beaucoup de jansénistes, était très préoccupé par l'éducation des plus modestes. Et donc, il aurait proposé à leur mère de les éduquer et après les avoir, en fait, observés, il remarque qu'elles ont, en fait, une langue naturelle, qu'elles s'échangent des signes, qu'elles ont l'air de dialoguer par geste. Et là, il le raconte, en tout cas, comme une espèce d'illumination. Il aurait compris à cette occasion que, donc, les sourds ont une langue naturelle et que, en fait, on peut partir de cette langue hein, pour ensuite leur apprendre la langue française. Alors, effectivement, cette histoire, elle est très célèbre et elle est un petit peu remise en question aujourd'hui, mais on doute un peu de son authenticité, si vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle part d'une observation et que voilà. Il faut rappeler que la structuration du langage des signes part non pas d'une invention, mais bien d'une redécouverte, d'une observation de l'existence d'une langue naturelle gestuelle. Exactement. En fait, cette scène, elle est quand même très bien, finalement, pour résumer ce qui fait la spécificité de la méthode de l'abbé de l'Épée par rapport donc à ses prédécesseurs. C'est deux choses. C'est l'immersion au milieu des sourds. Et puis, d'autre part, l'ancrage dans leur langage, le fait de partir de leur langue plutôt que d'essayer de directement leur apprendre sans réflexion une langue étrangère pour eux. Finalement. Il y a une démarche quasiment scientifique, expérimentale, observationnelle dans la pratique de l'abbé de l'Épée pour mettre au point sa méthode, ses signes méthodiques. Alors, venons-en à ces signes méthodiques. À quoi ça sert? Ça se compose de quoi? Comment il développe ces signes méthodiques? Alors, les signes méthodiques, c'est une espèce d'alliage entre donc certains signes de la langue naturelle des sourds, enfin de ce qu'on appelle la vieille langue des signes, de la langue des signes du XVIIIe siècle. L'épée en a conservé ceux qui étaient les plus figuratifs, en fait, et il a fait une espèce de greffe de ces signes sur un français gesticulé. Je reprends ici l'expression d'un historien qui s'appelle Yann Quentin. Le français gesticulé, ça résume assez bien ce que sont les signes méthodiques, c'est-à-dire les signes des sourds, enfin la plupart des signes des sourds, greffés sur une grammaire gestuelle du français. Voilà, donc il faut imaginer des signes extraits de la langue des signes du XVIIIe siècle et puis des signes inventés par l'abbé de l'Épée pour désigner les catégories grammaticales du français, donc tout ce qui est conjugaison... C'est finalement ces signes méthodiques, c'est ce qu'on appellerait en ethnologie, en anthropologie, une langue de contact, un espace intermédiaire entre ces deux mondes qui se rencontrent et qui doivent apprendre à communiquer ensemble. Donc c'est pas une transcription exacte de la langue naturelle, des signes que parlent ces deux sœurs sourdes par exemple, ni une transcription exacte du français en geste, c'est vraiment un composé. Oui voilà, c'est exactement ça, c'est une espèce de greffe. Des signes, des sourds sur la grammaire française réduite en signes gestuels. Quand on parle d'une langue, par exemple une langue parlée comme le français, on pense à une grammaire, à des temps, par exemple le passé, le présent, le futur. Comment est-ce que l'abbé de l'Épée va essayer d'introduire ça dans sa méthode de langue des signes? Est-ce qu'il y arrive? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Quand on lit ces textes, ça n'a pas l'air d'être simple. Disons qu'il se donne, en tout cas, pour y arriver le mieux possible, deux règles. C'est de suivre toujours soit l'imitation de la nature, dit-il, soit la voie de l'analyse. Alors, si on reprend en termes un petit peu plus simples, disons qu'il s'arrange pour que les signes qu'il invente ne soient pas trop arbitraires. pour que les sourds puissent les mémoriser facilement, en fait. Donc, suivre l'imitation de la nature, ça veut dire qu'on essaie de mimer le plus possible. Donc, par exemple, si je reprends cette question de la conjugaison, pour indiquer à un sourd qu'il doit conjuguer au présent, on va indiquer le sol avec son doigt pour dire c'est le hic et nunc, c'est on est ici et maintenant, dans le temps. Si on veut qu'il conjugue au futur, on va lancer le bras en avant. Si on veut qu'il conjugue au passé, un des temps du passé, ce sera le bras en arrière avec des gestes encore plus précis pour indiquer si on a un parfait, passé simple, plus que parfait, etc. Et l'autre voie, la voie de l'analyse, alors ça, c'est pour décomposer les notions complexes. En fait, il y a effectivement, l'abbé fait bien cette distinction dès le début de son enseignement. Il y a des choses qui sont très faciles à représenter par geste, et d'autres qui le sont beaucoup moins. Alors, tous les objets qui sont sous nos sens, comme dit l'abbé de l'épée, les objets physiques, matériels, on peut toujours s'arranger pour les mimer. Si on veut représenter par geste la foi ou l'idée de Dieu ou l'idée de vérité, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors comment on va faire? On va pas inventer un signe comme ça à partir de rien. C'est le principe du métalangage, en fait, comme dans un dictionnaire finalement. Par exemple, pour le verbe croire, qui est quand même assez abstrait, hein, l'abbé de l'épée explique par geste, il décompose le verbe en geste plus simple, il explique par geste, par signe méthodique, à ses élèves que croire, c'est dire oui. En fait, avec le geste oui, c'est dire oui avec la tête, c'est dire oui avec le cœur, c'est dire oui par la bouche, et c'est aussi, il se cache les yeux, c'est-à-dire que c'est croire, c'est toujours faire confiance, c'est acquiescer à une vérité, accepter un certain degré de certitude, même si on n'a pas vérifié soi-même. Voilà, en étant guidé par ce double principe donc de figuration et puis de réflexion métalinguistique, qu'il arrive à créer quelque chose. Quel succès rencontre cette méthode proposée par l'abbé de l'épée à ce moment-là, puisqu'il rassemble assez rapidement une soixantaine d'élèves sourds autour de lui, qui viennent de régions différentes, donc qui ne parlent pas la même langue des signes, c'est ça qui est intéressant aussi. Comment lui va populariser, communiquer autour de cette création-là? Alors, l'efficacité de sa méthode, ça c'est une question très intéressante, parce qu'aujourd'hui, justement, elle est de plus en plus débattue. Il y a des historiens, et à raison, je pense, qui essaient de travailler non plus sur l'abbé de l'épée, mais sur ses élèves, en essayant de déterminer, par exemple, s'ils étaient tous sourds de naissance, ou s'ils avaient déjà reçu un rudiment d'éducation avant de devenir sourds. Bon, etc., pour voir si vraiment, et si l'abbé de l'épée a vraiment été le génie L'historiographie est en train quand même de nuancer exactement, la géographie. Exactement, je pense que c'est nécessaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi vraiment à convaincre beaucoup de personnes de son époque de l'efficacité de cette méthode. C'était vraiment ce qu'on peut appeler aujourd'hui un grand communicant, très doué pour rassembler un public très large autour de son travail. Il organisait ce qu'on appelle des exercices publics, qui seraient les équivalents de ce qu'on appelle, nous, les journées portes ouvertes. Donc, où il invitait à venir assister à des séances qu'il organisait, où il faisait des démonstrations, en fait, des progrès de ses élèves pour que le public voit de quoi ses élèves étaient capables. Alors, il faut imaginer, c'était des jeux de questions-réponses avec le public. Donc, les élèves de l'abbé de l'épée étaient là, avec l'abbé. Les gens du public pouvaient poser des questions, donc directement en français. L'abbé traduisait les questions du public en signes méthodiques et les élèves répondaient en signes méthodiques à l'abbé et l'abbé traduisait leurs réponses. Alors justement, la lettre qu'on a entendue tout à l'heure, c'est une lettre qui accompagnait des prospectus d'invitation aux séances de l'abbé de l'épée, donc que l'abbé de l'épée faisait circuler dans Paris pour attirer un public très nombreux à ces séances. Et alors, je crois que c'est plusieurs milliers de personnes qui sont venues assister aux séances de l'abbé de l'épée. Et puis, il prenait soin de faire relayer ses travaux dans les périodiques, enfin par différents moyens. Il a vraiment changé le regard sur les sourds. Ce qu'il faut dire, Flora Hamann, aussi, c'est qu'il y a toute une institution pédagogique qui s'est constituée autour de cette méthode de l'abbé de l'épée. Il est mort en 1789, qui n'est pas une date anodine quand on parle aussi d'égalité entre les personnes, quelles que soient leurs conditions physiques, mentales, etc., ou de handicap, quel qu'il soit. Est-ce que la méthode de l'abbé de l'épée a bénéficié de cette révolution française aussi pour être pérenne et se développer et voyager dans l'espace européen? Oui, avant même la révolution, c'est vrai que de toute l'Europe, des gens sont venus, d'autres savants sont venus pour apprendre la méthode de l'abbé de l'épée. L'abbé de l'épée disait « ma méthode s'apprend en moins de 3 mois ». La sinu méthodique, c'est très rapide à raison de 4 séances par semaine. Et donc, on sait qu'effectivement, il a eu des disciples venus vraiment de partout et qui ensuite ont ouvert leurs propres écoles un peu partout en Europe. Ça ne veut pas dire que ça a tenu pour autant. On appelait ça très crânement la méthode française au XVIIIe siècle pour se référer au signe méthodique. Et la Révolution française va, là aussi ça fait partie de la légende, sur son lit de mort, les Jacobins auraient dit à l'abbé de l'Épée, mourant, mourez en paix, la patrie adopte vos enfants. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment le disciple de l'abbé de l'Épée le plus fidèle et le plus proche, l'abbé Sicard, qui va être choisi pour les révolutionnaires lorsqu'ils vont créer ensuite l'Institut des sourds et muets, qui est aujourd'hui l'Institut national des jeunes sourds. Et puis l'école de Bordeaux va aussi continuer où Sicard exerçait avant de prendre la direction de Paris, va aussi continuer à fonctionner, et elle existe toujours aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, Flora Hamann, c'est que cette méthode, elle a été battue en brèche, menacée. Il y a eu un moment clé à la fin du 19e siècle, en l'occurrence c'est le congrès de Milan, où là, pour le coup, les pédagogues reviennent à l'ancienne méthode et reviennent à l'oralité finalement, à vouloir faire apprendre aux sourds la langue française par la voix de l'oral et non plus par les gestes. Comment est-ce qu'on explique ce revirement-là brutal ? Oui. Alors, il n'a peut-être pas été si brutal que ça. Ça a été assez progressif, je pense, parce qu'en fait, au sein même de l'Institut des sourds et muets, méthode orale et méthode gestuelle ont continué un petit peu à s'affronter. En fait, il y a à la fois une question, en France en tout cas, il y a une question à la fois générationnelle, c'est-à-dire qu'une fois que l'influence de l'abbé de l'Épée, son héritage a fini un peu par disparaître, après sa mort et après la mort de ses anciens élèves, en fait les plus proches, l'influence de son enseignement a un petit peu diminué. Il y a aussi que les descendants de Jacob Rodrigue Pereire étaient très puissants quand même et ils ont réussi à faire ouvrir 2 écoles en France, donc avec totalement, méthode orale exclusivement, et ont fait beaucoup de promotions pour la méthode de leurs ancêtres. Et puis il y a aussi, alors il y a des raisons médicales à ça. Je n'explique toujours pas cette argumentation, mais pour certains médecins du 19e siècle, faire parler, c'était faire entendre, quasiment. Il y avait cette idée que faire parler, c'était déjà guérir la surdité. Bon, ça se tient difficilement, mais c'est une chose. Et puis, il y a aussi que... Alors, le congrès de Milan, c'est 1880. Je suis pas très spécialiste de ça, mais quand je lis par exemple Florence Encrevé, qui elle connaît très très bien ce sujet, on a l'impression que c'était quand même une vaste mascarade, ce congrès de Milan. Il était complètement dominé par les entendants. Il y avait à peu près 250 pédagogues spécialistes présents, il y avait seulement 4 sourds et pas d'interprète langue des signes. Parmi ces 4 sourds, il y avait un Américain et un Suédois qui eux étaient en faveur de l'enseignement des signes, mais en fait ils n'avaient pas le droit de voter. Enfin bref, en fait c'était un peu déjà joué d'avance ce vote. Alors 1880, c'est 10 ans après 1870, après la défaite française. Et en France, ça correspond avec un nationalisme fort, une volonté de reconstruire un peu une idée nationale autour de la langue, autour de l'unité linguistique, de l'unification, l'uniformisation linguistique. Et ça va énormément jouer aussi. Cette uniformisation, elle touche aussi la langue orale avec des attaques portées contre les patois. On pouvait considérer limite la langue des signes comme une forme de patois à part. On touche déjà au terme de cette émission, Flora Hamann, si on doit se retourner sur cette histoire de l'abbé de l'Épée, son évolution et sur finalement la reconsidération autour des langues des signes que ça a permis, quel regard vous portez sur à la fois l'évolution de la méthode de l'abbé de l'Épée, mais aussi sur l'évolution de notre regard sur cette figure-là? Le regard sur sa figure, c'est certain, est en train de changer à l'heure où l'on déboulonne certaines statues. Alors, on n'a pas encore déboulonné celle de l'abbé de l'Épée, mais c'est sûr que subsiste encore cette figure patrimoniale, finalement, de l'abbé de l'Épée comme sauveur providentiel des sourds, comme figure entendante bienveillante qui a permis l'émancipation des sourds. Mais maintenant qu'émerge ce qu'on appelle les études sourdes, donc un domaine des sciences sociales qui cherche à écrire l'histoire des sourds en se plaçant de leur point de vue et non plus seulement du point de vue des entendants, il y a quand même un vrai appel à relativiser son influence pour faire émerger en fait d'autres acteurs de l'éducation des sourds qui eux-mêmes étaient sourds, et aussi pour faire l'histoire des sourds avant l'abbé de l'Épée et quand même dire qu'ils n'étaient pas que des marginaux, même avant l'arrivée de l'abbé de l'Épée, avant ses travaux, ils étaient quand même organisés, il y avait des communautés dans Paris, il y avait de l'entraide, ils avaient une culture, tout ça, on est en train de le redécouvrir. Mais c'est une figure peut-être ambivalente, mais aussi, je trouve, inspirante du point de vue de l'histoire des savoirs. À plusieurs reprises, en fait, dans l'histoire des sourds et dans l'histoire de leur émancipation, on va trouver cette alliance très forte entre une figure savante et la communauté sourde. Alors, je peux vous donner un exemple rapide. Aux États-Unis, dans les années 60-70, il y a un linguiste qui s'appelle William Stocky, qui est donc un spécialiste de la langue anglaise, hein, et il en est venu à s'intéresser à la langue des signes américaine, un peu par hasard finalement. Et en travaillant, il s'est attaché en fait au sujet de son enquête, et c'est toute une communauté sourde qui s'est réunie autour du laboratoire de William Stocky, et le mouvement militant sourd est vraiment parti de là. Le fait qu'un savant s'intéresse à leur langue, c'est vraiment quelque chose qui a donné confiance en eux, aux sourds, et en fait, en étant constitués comme objets scientifiques, ça leur a donné de l'espoir finalement. Donc voilà une figure de savant qui, je trouve, donne vraiment à l'activité scientifique figure humaine. Merci beaucoup en tout cas à vous, Flora Mann, d'être venue nous raconter cette histoire du développement de la langue des signes. Je rappelle le titre de votre livre, Sourd et muet entre savoir et fiction au tournant des Lumières. Il est à lire aux éditions Classique Garnier. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Hermano, dame tu mano par Mercedes Sosa. Pour conclure cette émission, un grand merci à Eve Etienne et à la réalisation Charlotte Roux. Merci à Sabine Dahuron de Lina, notre partenaire. Merci à Guillaume Ficheux, aujourd'hui à la technique. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alto la mano. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono. Pétale à la marcha, pétale al tambor, pétale que traigo un fuego en mi voz. Pétale a la marcha, pétale al tambor, pétale que traigo un fuego en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretada tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano, le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera.